Chapitre 3e. 15 mai 1849. Me voici donc embarqué, encore une fois, pour une folle entreprise. J'avoue que je commence avec plaisir un voyage qui va compléter l'originalité de ma vie d'artiste. Cependant, ce n'est pas sans un sentiment pénible que je songe aux 2000 lieues que je vais ajouter encore aux 3000 qui me séparent de la patrie. Nous devions quitter Irkoutsk à midi, mais nous n'avons pu le faire qu'à 2 heures. Nous avons été déjeuner chez les Z, on a arrosé les adieux de pétillants de champagne, puis à la mode russe, après quelques instants de complète immobilité, chacun se lève, on s'embrasse et on est libre de pleurer pour peu que l'on y soit disposé. Mais cela ne me tentait pas. Nous nous sommes aussitôt emballés, si j'ose m'exprimer ainsi, la femme du général-gouverneur, Madame Z, ses deux nièces et moi, dans le premier Sarados, une espèce de voiture russe très peu suspendue, le général et le gouverneur de la ville dans la dormeuse de celui-ci, attelé de 7 chevaux et suivi de 6 cosaques, ce qui donnait à notre caravane un air tout à fait imposant. Dans un troisième équipage se trouvaient le docteur, les aides de camp du général et ses secrétaires. C'est dans cet ordre que nous avons quitté la ville. Toute la population était dehors. C'était plaisir d'entendre tout ce brave peuple acclamant le général et nous prodiguant ses souhaits de bon voyage. Par une attention délicate, l'archevêque avait donné l'ordre de mettre toutes les cloches en branle sur notre passage. C'était un dimanche. Ce peuple en habit de fête, ses cloches lancées à toute volée, la file de nos équipages, nos cosaques, toutes ces têtes découvertes, ces officiers de poste et de police qui nous faisaient escorte, par-dessus tout un soleil splendide, tout semblait s'être réuni pour corriger la tristesse presque toujours inséparable d'un départ pour un long voyage. Nous sommes sortis de la ville à 3h33, heure favorable, nous dit-on, et de bon augure. Pourquoi ce nombre 3 répété doit-il porter bonheur? Je n'en sais rien. À quelques pas de la ville, un bon prêtre s'était posté au pied d'une grande croix blanche, d'où il a jeté une bénédiction sur tous les voyageurs. On m'a dit que ce prêtre était un vrai serviteur de Dieu, et cette bénédiction descendue sur nous de cette croix rustique était empreinte d'une simplicité solennelle qui nous a tous fort impressionnés. Nous avons traversé une fort belle route, toute couverte de rhododendrons en fleurs dont on ne voit de loin que les reflets des pétales d'un rose violacé très harmonieux. À 20 verstes de la ville, environ 6 lieues, nous sommes entrés dans un village et nous avons trouvé toute la population réunie devant l'église, ayant en tête le Golova, le maire, et ses aides ou adjoints. Ils attendaient le général pour lui offrir sur un plateau, selon la coutume russe, le pain et le sel. À la fin du voyage, nous avions tant de ces salières que nous aurions pu en fournir à toute la Russie. En route, j'appris le vrai but de notre voyage. « Savez-vous ce que nous allons faire là-bas ? » me dit un jour le général. Nous allons en expédition aux embouchures de l'amour pour en prendre possession au nom du gouvernement russe. Les Anglais y prétendent. Mais j'ai l'ordre de soutenir Mordicus, que l'une des rives au moins nous appartient. Michel N. a été envoyé d'avance pour annoncer sur les lieux nos intentions à la prochaine arrivée d'un bâtiment de guerre qui vient de faire le tour du monde et qui va nous prêter son appui. On transporte de la poudre à Yann, probablement, et je fais exercer les troupes de mon gouvernement. Nous allons charger de présents destinés à nous rendre favorables les sauvages de ces contrées. Les Chinois n'hésiteront pas à nous céder une rive quand on leur aura fait comprendre que c'est pour les garantir des Anglais. Eh bien va pour la conquête des bouches de l'amour, à laquelle il sera assez original de voir participer une Parisienne jouant du violoncelle, surtout si l'on tire le canon. Peu de jours après le départ d'Irkoutsk, nous descendions mollement l'Alena en joyeuse compagnie, en belle humeur et en bonne santé. L'Alena est un des plus grands fleuves de l'Asie septentrionale. Elle traverse toute la partie la plus orientale de la Sibérie, prend sa source dans les monts qui avoisinent le lac Baïkal, et après un cours de 700 lieues environ, se jette au nord dans l'océan glacial. Elle arrose le pays des Dungus, vrai peuple sauvage à l'aspect repoussant, que j'ai l'honneur de voir pour la première fois le 21 mai 1849. De grosses têtes, de larges épaules, de longs cheveux incultes, hérissés, flottant tous sens et des haillons. Ce qui me frappa surtout, ce fut d'apercevoir sous ces corps robustes des jambes tellement grêles qu'elles ressemblent à celles du singe et sont comme elles terminées par d'énormes pieds. Les Tungus, les Buriates et les Yakoutes sont des tribus nomades à peu près de la même famille et issues de cette race mandchoue qui peuple le nord de la Chine et règne aujourd'hui à Pékin. Ils vivent généralement de chasse et de pêche et s'adonnent particulièrement à la chasse des animaux à fourrure. C'était jadis en ces âpres contrées que l'on trouvait les plus belles zibelines. Elles y sont devenues si rares aujourd'hui que ces pauvres sauvages ne peuvent plus satisfaire aux tribus de ce genre qui leur est imposé par le gouvernement russe. Ils ont été obligés de se rabattre sur le petit gris, qui est presque la seule fourrure que l'on trouve dans le pays. Ces peuplades sont d'ailleurs toutes idolâtres et j'ai trouvé chez elles les beaux exemples de ce communisme absolu que certains cerveaux fêlés voudraient inoculer à l'Europe. Tout est commun chez elles, les champs, les récoltes, le bétail et le reste. Dieu sait, me disait à ce propos le docteur de l'expédition, ce que le communisme fait commettre de crimes. Et il me citait des exemples dramatiques révoltants. 21 juin 1849. Enfin, nous sommes arrivés, malgré vent et marée, et les maladresses d'un pilote, qui, par entêtement, nous avait échoué juste au milieu du fleuve, en face de la ville. À 11 heures, à la montre du général et à 1 heure aux horloges de Yakoutsk, car à cause de la différence de longitude, le soleil est de 2 heures plus matinal à Yakoutsk qu'à Irkoutsk, nous avons fait notre entrée triomphale dans la ville. Nous étions attendus sur le port par toute la population en habits de fête et par tous les employés en grand uniforme. Il y avait 8 jours qu'ils ne le quittaient plus. 50 hommes tiraient nos bâtiments à terre. À peine le soleil était-il couché depuis 1 heure qu'il commençait à rayonner. Sous cette latitude septentrionale, la nuit existe à peine et le dernier rayon du couchant se confond au mois de juin avec les premières lueurs de l'aube. Le débarquement s'est fait tout simplement sans harangue ni canonnade. Le général est descendu suivi de ses messieurs, a salué le chef de la province, est monté en britchka et s'est rendu à la maison de ville. Puis son état-major est venu nous prendre et à notre tour nous avons majestueusement traversé cette foule pittoresquement bigarrée et un peu ébahie, je crois, de la simplicité de notre tenue. Madame Mourabiev et moi, on aurait pu nous prendre sans nous faire trop d'injures pour des mendiantes de qualité. Montés en voiture, nous sommes arrivés à la maison du chef de la compagnie américaine qui avait été préparée et parée de tout son luxe pour cette grande occasion. Ce n'était pas élégant, mais propre, gai et commode. Quelle jouissance pour nous, qui depuis près de 20 jours, ballottés au courant de la Léna, rivière torrentueuse d'humeur assez peu commode, n'avions dormi qu'au bruit des manœuvres qui se faisaient au-dessus de nos têtes. Nous avons trouvé là un en tout cas dont nous avons largement profité, et une petite femme d'un aspect fort avenant qui nous a souhaité la bienvenue en son logis avec beaucoup de bonne grâce. Madame Mourabiev et moi, nous ne revenions pas de notre étonnement. Notre hôtesse n'a jamais quitté Yakoutsk, et elle avait un ton parfait, une distinction naturelle, charmante. Sa toilette, d'un goût exquis, se compose d'une robe de soie de Chine couleur marron, d'une mantille de même étoffe ornée de rubans pareils, avec un petit col plat et des cheveux simplement en bandeau, le tout propre et sans rien qui sente l'attifage. Au milieu de ce pays sauvage, c'était à n'y rien comprendre. Nous avons été visiter la ville Androvski. C'est un vrai trou. La seule curiosité est la forteresse qui compte 200 ans d'existence et qui tombe en ruine. Le reste ne se compose que de masures clairsemées dans des rues où l'on fait paître le bétail. Yakoutsk a eu jadis beaucoup plus d'importance. Elle existait avant Irkoutsk. Mais depuis, celle-ci a tué sa devancière. Pas de commerce. Elle ne vivait que du trafic des fourrures dont les marchands d'Irkoutsk sont depuis totalement emparés. Yakoutsk est obligé de s'approvisionner de tout à Irkoutsk. À moins de circonstances particulières extrêmement favorables, c'est une ville prédestinée à disparaître avant peu d'années. La province dont elle est le chef-lieu ne compte que 170 000 habitants, répandus sur une surface de 62 500 lieues carrées, ce qui ne fait pas tout à fait 3 habitants par lieu carré. Au surplus, la population totale de toute la Sibérie orientale n'atteint guère que le chiffre de la population de Paris au moment où j'écris ces lignes, en 1849, c'est-à-dire de 1200 000 âmes. Que de désert! Et cependant, le bassin de la Léna est plus grand à lui seul que celui du Volga. Et celui de l'Amour, bien plus vaste que la vallée du Danube, n'est peut-être pas moins riche. J'ai entendu souvent dire chez nous, en France, qu'il n'y avait plus de respect, que c'était là un sentiment mort et qu'on aurait beaucoup de peine à ressusciter. J'ai eu l'occasion d'admirer au contraire le respect du peuple pour tout ce qui représente de près ou de loin l'autorité. Pas un homme ne passe devant la maison que nous habitons sans ôter son bonnet depuis le premier angle de la palissade qui nous entoure jusqu'au dernier pieu qui l'achève. Je dirai peu de choses du costume. Il est à peu près le même pour les hommes que pour les femmes. Tous, en distinction de sexe, portent des bottes et une espèce de petite redingote venant jusqu'aux genoux, bordée soit de noir si l'habit est blanc, soit de rouge vif si l'habit est noir ou de couleur foncée. Les femmes ont de plus pour coiffure une espèce de bonnet garni de fourrure devant et derrière, avec un petit ornement de drap bariolé qui surmonte le tout et ressemble assez au bonnet de polichinelle. Reparti le 4 juin à 5 heures, nous avons suivi d'abord un bras de la Léna et traversé le fleuve, qui a ici 7 verstes de largeur. Arrivé à terre, trempés malgré nos imperméables et néanmoins de joyeuse humeur, nous nous sommes ravivés sous une belle yourte, mais des plus aristocratiques, où nous avons trouvé bon feu. Rien de plus original que ces espèces d'habitations faites toutes en écorce d'arbres cousues et ornées avec des fils de crin à dessins blancs et noirs. Le tout est posé sur de grandes perches qui se réunissent en faisceau par le haut. La fumée s'échappe par une assez large ouverture ménagée au sommet. Autour sont des bancs, des poteaux et des patères pour accrocher les habits. Le tout est tapissé de branches de mélèze qui donnent à l'intérieur un aspect riant et propre qui met la joie au cœur et aux lèvres. Après une journée de mauvais temps, cet abri nous a fait l'effet du paradis. Bon feu de bivac, thé brûlant et parfumé, soupé sur le pouce, joyeux lazzi, douce liberté, toute étiquette laissée dehors et un bout de Marseillaise que j'ai entonné, tout a concouru à nous mettre en belle humeur. Après 4 heures de repos, nous sommes repartis vers 2 heures du matin avec un fracas superbe. 5 équipages attelés de chevaux tout à fait sauvages, dont l'allure indépendante nous donnait le raisonnable espoir de nous casser bientôt le cou. Les paysages qui passaient sous nos yeux semblaient de vrais Éden. Mais ce qui nous a rappelé à la réalité, c'est l'horrible état des routes, bien qu'on y eût beaucoup travaillé depuis l'annonce du passage du général. Nos chevaux sont devenus de plus en plus sauvages. Ils se jettent, d'une manière effrayante, à droite et à gauche. Élevés en plein air et dans une complète indépendance, jamais ils n'ont été attelés. Quand on veut les prendre pour s'en servir, c'est une véritable chasse à cour où les hommes font l'office de chien. Mais ce qu'il y a de plus effroyable, ce sont les cris sauvages que poussent leurs conducteurs au moindre incident du voyage. Ce matin, nous cheminions bravement lorsque, tout d'un coup, j'entends d'horribles cris de détresse et d'angoisse derrière nous. Je crois qu'au moins la moitié de la caravane est engloutie dans quelques marais. Je me précipite en bas de la voiture pour regarder. Je vois tout le monde en bon état et en bon ordre. C'était nous qui étions la cause involontaire de cette alarme. Nous avions pris à droite au lieu de prendre à gauche. Ces terribles cris m'ont tellement émotionné que pendant plus d'une heure j'en ai gardé un tremblement nerveux. C'est ainsi qu'au commencement de juillet 1849, nous gagnâmes Okhotsk ou l'Irtych, bâtiment de la couronne, nous attendait pour nous transporter à Petropolovski, limite extrême de l'Asie. C'était encore plus de 350 lieues de mer à parcourir. Mais après la course fabuleuse que nous venions de faire, qu'étaient les brumes, les calmes ou les tempêtes de l'océan Pacifique? La traversée ne fut marquée que par un seul incident. Dans cette mer d'Okhotsk, où nous avons longuement louvoyé à cause des vents contraires, nous n'avions d'autre distraction que d'assister au joyeux ébat des baleines. Un de ces énormes cétacés ne s'avisait-il pas de se glisser sous notre bâtiment, au grand dommage de nos personnes, qui en ont reçu un effroyable choc sans compter une émotion assez vive, bien voisine de la peur. C'était la nuit, tout haletant, nous courons sur le pont. Qu'est-ce? Qu'y a-t-il? Regardez! Et nous voyons le monstre tranquillement installé sous notre quai. Chacun, subjugué par un commun sentiment de prudence, se met à parler bas, de peur d'effaroucher l'impressionnable animal qui nous portait. Enfin, après avoir repris son souffle, la baleine s'enfonça dans l'abîme, laissant après elle un large tourbillon. Nous ne la revîmes qu'au jour, montrant son dos au soleil à 1 mille de nous. Comme dans la soirée précédente, Stradivarius avait jeté au vent et à la vague ses plus touchantes mélodies, on supposa que le cétacé avait été attiré par ces sons inaccoutumés. Un naturaliste qui nous accompagnait ne dit pas non, et dès ce moment, ce fut une opinion reçue à bord que les baleines, comme les tortues, étaient des dilettanti de premier ordre.